Thank you.

matin, car j'adore l'odeur du crotte. Je ne fréquente que des baronnes au nom comme les trombones. Je suis snob, oui, je suis snob. J'ai une foudroyante garde-robe.